6B 1 J'ai entendu un drôle de bruit dans la cuisine. Bon, et alors, tu t'es précipité à la cuisine ? En courant. Oui. Et j'avais oublié de fermer la porte du four. Ah là là ! La porte du jardin était grande ouverte, il y avait des traces par terre. Ah oui ? Et qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui s'est passé, en fait ? Je crois que c'était le chien de la voisine. Il est rentré et il m'a volé mon rôti. Ah bah bravo ! Et qu'est-ce que vous avez mangé ? J'ai téléphoné à un service de pizza à domicile. Ils sont arrivés juste avant les invités. Et puis, les pizzas ont été délicieuses. Les invités étaient ravis. Ah bon, c'est très bien ! Ouais, sauf que j'ai décidé que plus jamais je ne ferai la cuisine. 2. À 6h30, je referme le livre que j'étais en train de regarder, je prends le métro, et à 7h, j'arrive. Je suis devant l'appartement. Et je me rends compte, quand je cherche les clés, que ma poche était trouée et que j'avais perdu les clés. Oh là là, oh là là. Personne n'avait de clés, quoi. Personne n'avait de clés. Donc, on a dû appeler un serrurier. Oh là là. Total de l'opération, j'ai payé le serrurier. Ça m'a coûté 200 euros et j'ai dû repartir 2 jours plus tôt que prévu. Oh, pas de chance. 3. Bon, alors là, on a commencé à s'inquiéter. Alors bon, on s'est dit... On va descendre jusqu'à la porte d'entrée. Alors, on a descendu les escaliers en courant, un peu effrayé, parce que c'était minuit. Arrivé au premier étage, on a entendu un éclat de rire. Bon alors, on a accéléré, tu vois, et on est allé jusqu'à la porte. On a ouvert, et rien. Il n'y avait personne. C'est pas vrai. Si, si. Alors bon, surpris, on a refermé la porte et on est resté derrière à attendre. Tu vois, sans faire de bruit, comme ça, prêt à l'ouvrir au premier signal. Moi, je commençais à penser qu'il y avait des fantômes. Hein. Pourtant, j'y crois pas. Hein. Bon, alors, on est resté là. On a attendu alors, un petit peu. Et puis, à nouveau, dring, dring, la sonnette a sonné. Bon, alors là, Lucie, elle a ouvert d'un coup. Et on a vu 4 enfants qui partaient en courant au bout de la rue. Bon, finalement, on a juste eu une belle peur, quoi. Je comprends.